So brother. Mm-hmm. this motherfucker. Let it bump. I'm here for you. I'm here to free my soul, to please you now and then. Reach me in the desert rain. I'm here for you. session du week-end sur Contact FM, session techno, techno avec HS. Thank you. techno. We'll be right back. n'arrête pas. Les grandes sessions Contact FM. Les grandes sessions Contact FM. C'est 20 heures de mix. Dans le week-end. Dans le week-end. We'll be right back.

session de Contact FM est en ligne et en simultané sur le site de Contact FM. Making all this great. This is our remix. T'échapper. Coso. Keep it weak, I'm stronger than steel. Stronger than steel. Sur Contact FM. En ce moment, c'est session techno. Techno avec HS. Snap necks, of course, you don't remorse, then I kill you and weep, I'm stronger than steel. Thank you. Les grandes sessions Contact FM. Session techno. Techno avec HS.